Frit sur le vif. Écoutez. Salut, je ne fais que passer. Tu ne rentres pas? J'ai préparé le café. Impossible, je suis déjà en retard. Je croyais qu'on devait travailler tout l'après-midi. Oui, mais j'ai une réunion imprévue à l'école cet après-midi. Tu ne peux pas te décommander? Ce n'est pas que je n'en ai pas envie, mais c'est impossible. Alors, quand nous revoyons-nous? Mercredi, comme prévu. Répétez. Salut, je ne fais que passer. Tu ne rentres pas? J'ai préparé le café. Impossible, je suis déjà en retard. Je croyais qu'on devait travailler tout l'après-midi. Oui, mais j'ai une réunion imprévue à l'école cet après-midi. Tu ne peux pas te décommander? Ce n'est pas que je n'en ai pas envie, mais c'est impossible. Alors, quand nous revoyons-nous? Mercredi, comme prévu. Écoutez. N'oubliez pas que nous comptons sur vous demain soir. Mon cher ami, je suis désolé, mais il ne nous sera pas possible d'assister à votre réception. Mon épouse est grippée et je dois prendre l'avion de 19h parce que je dois être à Paris où j'ai un conseil d'administration mardi matin. Répétez. N'oubliez pas que nous comptons sur vous demain soir. Mon cher ami, je suis désolé, mais il ne nous sera pas possible d'assister à votre réception. Mon épouse est grippée et je dois prendre l'avion de 19h parce que je dois être à Paris où j'ai un conseil d'administration mardi matin. Écoutez. Allez les gars, grouillez-vous, on va être en retard au bahut. Oui, d'accord, on se tire. Ah, t'en fais pas, les profs, on les voit toujours assez. Répétez. Allez les gars, grouillez-vous, on va être en retard au bahut. Oui, d'accord, on se tire. Ah, t'en fais pas, les profs, on les voit toujours assez.